sensible. Aujourd'hui, la fiction qui mêle et entremêle histoire vraie et reconstitution, tranche de vie d'une biographie. Aujourd'hui, l'ethnologue Françoise Claustre, otage française au Tchad de 1974 à 1977. Un programme proposé par Patrick Liégibel. Notre invité, Thierry Desjardins, ancien grand reporter au Figaro. Il a couvert l'affaire Françoise Claustre. Affaire sensible, la fiction, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Laurent Thomas, à la technique aujourd'hui Enzo Labori. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Née Françoise Trenen en 1937, Françoise Claustre est une ethnologue et archéologue française qui découvre le Tchad dans les années 1964-1966 dans le cadre d'une mission pour le CNRS. Elle y étudie particulièrement la culture Sao. Sous le commandement d'Hissène Habré, des rebelles tchadiens l'enlèvent le 21 avril 1974 au Tibesti, dans le nord du Tchad, avec le coopérant français Marc Combe et un médecin allemand Christophe Steven. Elle reste otage pendant plus de 1000 jours, au cours desquels les négociations pour sa libération connaissent plusieurs impasses et il faut toute l'énergie et la détermination de son mari, Pierre Claustre, pour qu'elle soit enfin libérée le 31 janvier 1977. Sa captivité servira de thème à Raymond Depardon pour son film « La captive du désert » interprété par Sandrine Bonner. De retour en France, Françoise Claustre n'aura qu'un souci jusqu'à sa mort en 2006, reprendre ses recherches et retourner à l'anonymat pour oublier cette période de vie si éprouvante. Bonjour Patrick Liégibel. Bonjour Fabrice. L'auteur, Jean-Philippe Noël. Oui, Jean-Philippe Noël, après une dizaine d'années dans la production de programmes animaliers pour la télévision, se tourne vers la presse écrite dans des domaines liés à la nature, les voyages et l'histoire. Il collabore régulièrement comme journaliste pour La Vie, 30 millions d'amis, Ushuaïa Magazine et les cahiers de Science et Vie. Il est aussi l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, plus particulièrement destinés à la jeunesse, et de trois pièces de théâtre, jouées dans le cadre du Festival des Mises en Capsule à Paris. Pour France Inter, il a écrit une quinzaine d'Au fil de l'histoire et une affaire sensible sur Ataï, le grand chef kanak. L'affaire Françoise Claustre de Jean-Philippe Noël. Réalisation Laurence Courtois. France Inter. Affaires sensibles. La fiction. L'affaire Claustre, l'une des plus invraisemblables prises d'otages que la France ait connue. Son contexte d'abord, celui de la France-Afrique des années 70, ce monde politico-économique qui lie la France à ses anciennes colonies africaines. Un monde mystérieux, méconnu du grand public et où tout se joue en sous-main, sous la férule de quelques intermédiaires discrets mais terriblement influents. Ses protagonistes ensuite, Françoise Claustre bien sûr, une archéologue affiliée au CNRS. Son époux, Pierre, fonctionnaire français chargé de travaux publics au bénéfice des populations locales. Enfin, Hissène Habré, un jeune dirigeant du Front de Libération Nationale du Tchad. Ce frelinat qui rêve de renverser le président François Tambalbaye, qui dirige alors le Tchad de manière despotique. En avril 1974, pour étudier les tombes pré-islamiques, Françoise Claustre se trouve dans le nord, dans la région du Tibesti, où, précision importante, la situation est calme depuis plus d'un an. Dans le village de Bardaï, elle partage un petit campement avec un collègue de son époux, Marc Combe. Après une interruption de quelques jours, le contact radio a pu être rétabli avec les auteurs de l'enlèvement des trois Européens au poste tchadien de Bardaï le 22 avril dernier. Il s'agit de deux ressortissants français, Madame Claustre, épouse du chef de la mission de réforme administrative du Tchad, attaché de recherche au CNRS, et de Monsieur Combe, technicien de la MRA, ainsi que d'un ressortissant allemand, le docteur Steven, installé à Bardaï depuis plusieurs années dans le cadre de l'assistance technique allemande. L'argeau de Bardaï. L'argeau de Bardaï. Répondez. Bardaï de l'argeau. Je vous reçois. C'est bien Monsieur Claustre qui parle ? Affirmatif. Marc ? Marc, c'est vous ? Affirmatif. Je vous passe le chef du commando. Il va vous lire un communiqué qui devrait être diffusé sur France Inter. Les forces armées révolutionnaires tchadiennes ont attaqué dans la nuit du 21 avril 1974 la garnison fortifiée de Bardaï. Le commandant et son adjoint ont été tués. deux Français, Madame Françoise Klostre et Monsieur Marc Combe, et un Allemand, le docteur Christophe Steven, sont tombés entre les mains des révolutionnaires. Trois véhicules ont été pris. Au cours de la fusillade, Madame Steven a trouvé la mort. Les forces révolutionnaires, qui regrettent vivement ce drame dû au tir désordonné des forces adverses, adressent leurs vifs regrets au peuple allemand et à la famille de la défunte. Je vous entends très mal, mais j'ai bien pris le message. Je ferai transmettre aux autorités. Est-ce que ma femme peut me dire un mot ? Approchez. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse aussi très fort. À demain. Demain, 17h30. L'Argeau de Bardaille, répondez. Bardaille de l'Argeau, je vous reçois. Oui, c'est Monsieur Klostre. Je vous passe le responsable. Ici le chef du commando. Le communiqué que j'ai transmis par votre intermédiaire a fait l'objet d'une falsification grotesque. Comparer une opération politico-militaire de la nature de celle effectuée à Bardaï à des rivalités anachroniques entre familles et chefferies traditionnelles relève du mépris de la vérité. Or, la vérité ne souffre aucune mutilation. Vous m'entendez ? Parlez ! Je vous ai reçu. Je vais essayer de transmettre à N'Djamena. De plus, je vous signale qu'une délégation allemande est sur place. Si vous voulez parler à ses membres, ils peuvent être présents demain. Seriez-vous d'accord pour un contact direct ? Je suis d'accord. Un représentant du Frolina prendra contact avec vous. Venez avec les Allemands. Alors que Pierre Klostre tente désespérément de faire le lien entre les forces révolutionnaires et les autorités françaises, dès la fin avril, les négociateurs allemands sont sur place afin d'obtenir, moyennant finances, la libération de leurs ressortissants. En France, l'enlèvement de deux Français n'intéresse pas grand monde. Cette prise d'otage tombe à un très mauvais moment. Suite au décès du président Georges Pompidou, l'Hexagone est en pleine campagne électorale. Le 15 mai 1974, alors que la libération du ressortissant allemand est imminente, Robert Puissant, envoyé par la France comme négociateur, rejoint enfin le Tchad et entame les négociations. Elles seront les premières d'une longue série de pourparlers qui n'aboutiront pas. Rapidement écarté, Robert Puissant, dont on reparlera, est remplacé par un militaire qui a servi au Tchad, le général Pierre Galopin. Constatant l'enlisement de la situation sur place, Pierre Klostre décide de rentrer à Paris pour alerter les politiques. Mademoiselle, deux cafés s'il vous plaît. Vous êtes passé à l'Élysée ? Oui, j'en reviens et je viens d'apprendre une nouvelle qui ne m'étonne qu'à moitié. Je vous ai promis de ne rien publier sans votre accord. Ils ont pris Galopin en otage. Le général Galopin, le nouveau médiateur ? Pourquoi ? Galopin a un passé chargé au Tchad. Il a servi au sein d'un service de renseignement et de répression contre les rebelles. Donc autant vous dire que Abré et son collègue Wedey ne le portent pas dans leur cœur. Wedey pense même qu'il est responsable de la mort de certains membres de sa famille. Et c'est lui qu'on envoie ? C'est débile. Merci, mademoiselle. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé. Je me suis fait passer pour une amie de votre femme et j'ai appelé l'Élysée en demandant à parler à Journiac. Il m'a dit qu'il ne s'occupait pas de cette affaire et que je devais téléphoner à Puissant. Puissant m'a répondu que ce n'était plus de son ressort et m'a fait comprendre que quelqu'un d'autre en avait la charge. Galopin. Ben, j'imagine, mais il ne l'a pas cité et il m'a conseillé d'appeler les affaires étrangères. Ce que j'ai fait, et là, vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? D'appeler Puissant. J'en rirais s'il ne s'agissait pas de la vie de ma femme. Quand je vous dis que l'affaire est dans une impasse. Il n'aura fallu que quelques semaines aux Allemands pour trouver une solution. Et nous, on a déjà éclusé plusieurs médiateurs et tous s'en refilent la patate chaude. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Retourner au Tibesti et reprendre contact avec les ravisseurs. Je croyais que vous n'étiez plus vraiment persona grata au Tchad. C'est clair que je ne vais pas prendre un vol par N'Djamena et entrer par la grande porte. Non, je vais aller par la Libye en 4L. 4L ? Oui. Je vais jusqu'à Gênes, j'embarque pour la Tunisie et je file vers la frontière libyenne. On vient de vendre une centaine de mirages à Kadhafi. Je ne devrais pas avoir de soucis avec les autorités locales. Boulot. bon gukudadu dugutigi buna bon gukudadu dugutigi tigini yaluanga la chasunga panma achida ukni yala yaluanga tantanda ke barkado pulo chidre jamrde dabu kwata kangana widan so kini ujamina so kini bulo kadu adu gulini bulo idi bulo hiyagi eski yudrde sana noana sai kinje de bulo dopiti dana noana gan kinje Vous savez que les négociations ont été interrompues ? Je l'ignorais. En revanche, je sais que vous avez demandé des armes. C'est exact. Vos conditions initiales, monsieur Abré, étaient déjà très difficiles à satisfaire. Si vous en rajoutez de nouvelles, nous ne trouverons jamais de solution. Les armes, c'est pour Galopin. C'est un militaire. Il a droit à un régime de faveur. Croyez-moi, il le mérite. Vous imaginez ? Si le gouvernement français acceptait de donner des armes à des rebelles, non seulement cela compliquerait encore les relations avec Tombalbaï, mais tous les dirigeants africains nous tomberaient dessus. Ce n'est pas mon affaire. Mais si, c'est votre affaire. Parce qu'avec ou sans Galopin, les négociations sont dans l'impasse. Et si la situation continue de dégénérer, vous n'aurez jamais vos armes. Et les otages ne seront pas prêts d'être libérés. Croyez-moi, la chose la plus importante est de ne jamais cesser de discuter. Vous avez une idée ? Pourquoi ne pas envisager des libérations successives ? Le premier otage contre la liberté des 10 premiers prisonniers et un tiers de l'argent demandé. Et ainsi de suite. Comme ça, vous gardez la main. Nous allons y réfléchir. Vous devez avoir faim ? Dites-moi, Vous pensez que je peux voir ma femme ? Attends, je vais allumer du feu pour faire un peu de lumière. Tu vois, ce n'est pas le grand luxe. Laisse, je vais le faire. Tu parviens au moins à te reposer ? Bon, ici, ça va. J'ai au moins un toit et une natte un peu isolée du sol. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il te déplace souvent ? Oui, mais c'est très irrégulier. On reste parfois à peine quelques jours sur un site. Et c'est toujours dans des villages ? Non, le plus souvent, c'est dans des inédits. Le pire, c'est celui de Modra. C'est une longue gorge étroite, sombre et froide. Je dors sous une espèce de rocher. Puis j'ai une trouille monstre des serpents. Au moins, au village, je me sens plus en sécurité. Il n'y a que les souris pour me chatouiller la nuit. Et les villageois ? Oh, les femmes sont gentilles. Elles m'apportent de quoi manger. Ça me change des nouilles sauce tomate que les rebelles me servent en permanence. T'as des nouvelles de Marc ? C'est drôle. Comme les rebelles n'ont aucune compétence en mécanique, ils leur servent de chauffeurs et de mécano. Dis-moi, Galopin, pourquoi ils l'ont pris en otage ? Tu es au courant ? Oui, on s'est croisés à Modra. On avait l'ordre de ne pas se parler. Galopin a travaillé pour Tombalbaï. Ça n'avancera jamais. Mais en France, le gouvernement, il fait quoi ? Tu dis rien ? La seule chose que j'entends, c'est que tu te débats tout seul comme un pauvre diable. Et qu'on s'en fout de moi. Allez, il faut que tu tiennes. Je sais, mais c'est dur, tu sais. Je me sens fatiguée, sale, inutile. Je passe des heures à me demander pourquoi moi ? J'en peux plus, Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu ? Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer chez nous. Allez, viens dans mes bras. Tu n'y es pour rien. C'est trop injuste. J'ai peur, Pierre. J'ai peur de ne jamais revoir mes parents. Ils doivent tellement s'inquiéter. Je voudrais être forte, et j'y arrive pas. Mais tu l'es, ma chérie. Mais tes parents vont bien, je les rassure, t'inquiète pas. Je suis là. Pour combien de temps ? Tu vas repartir, ce sera encore pire. Écoute, c'est décidé. Jusqu'à présent, j'ai suivi la consigne de ne pas prévenir la presse. Mais dès mon retour, j'écris aux rédactions. Tu as déjà fait souffrir. Au fond de toi. ta vie doit être une comédie. Pauvre maudit. Ah. Quand ta vie doit être une longue nuit. Pauvre maudit. Ah ah ah. Ah ah ah. Il y a des otages dont on parle, ils font la une de l'actualité. Pour d'autres, par contre, c'est le silence. C'est le cas de trois Français qui, depuis près d'un an, sont retenus au Tchad par les rebelles, rebelles qui réclament une forte somme d'argent. Ces trois Français sont Madame Claustre, le commandant Galopin et un jeune Lyonnais de 27 ans, Marc Combes. Un jeune Lyonnais que son père tente en vain de faire libérer. De Lyon, notre envoyé spécial permanent, Jean-Jacques Moria. Eh oui, dit le père, cela va faire un an le 21 avril. Le père a 74 ans, il s'appelle Louis Combes. Voilà près d'un an que Françoise Claustre et Marc Combes sont les otages des rebelles tchadiens. Toutes les tentatives de négociation pour les faire libérer ont échoué. Sur Françoise Claustre courent désormais les rumeurs les plus nauséabondes. Non seulement on lui reproche de s'être fourvoyée dans une zone de guerre, mais certains laissent entendre qu'elle serait la maîtresse de Hissène Habré. Il faudra attendre septembre 1975 pour que le président Giscard d'Estaing défende publiquement l'otage. Ce mardi 1er avril 1975, Pierre Claustre boucle ses valises pour repartir lorsque Robert Puissant le convoque dans son bureau du ministère des Affaires étrangères. Merci d'être venu, monsieur Claustre. Je vous en prie. J'ai fait au plus vite. Cette fois, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. J'aurais dû faire connaître mon affaire à la presse plus tôt. Ne croyez pas ça. Votre lettre aux journaux, entre nous, elle est un peu de parti pris, mais je vous comprends. Bref, votre lettre risque plutôt de gêner l'action gouvernementale. On se demande bien quelle action. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pouvez-vous retourner au Tibesti le plus rapidement possible? Oui, cela se pourrait, mais... Quand? D'ici à une semaine. Je pourrais y être aux alentours du 7 avril, ou plus tôt. Pouvez-vous trouver des armes? Pardon? Pouvez-vous trouver des armes pour les rebelles? Des armes? Mais de services comme ne les vôtres... Ne posez pas de questions. Pouvez-vous trouver des armes, oui ou non? Oui. Non, j'en sais rien. Enfin, si, peut-être. Précisez. J'ai reçu un étrange coup de fil il y a deux jours. C'est dingue. Enfin, ce coup de fil me semble encore plus surprenant aujourd'hui. Je sais plus quoi penser. Pourriez-vous être un peu plus clair, monsieur Claustre? Faudrait que ce soit dans ma tête, parce que... Quelqu'un m'a proposé des armes, il avait entendu parler de mon affaire, par l'un de mes contacts en Libye, il me disait que si je cherchais des armes... Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? J'étais abasourdi, je savais pas quoi dire, c'est pas tous les jours qu'on vient de me proposer des armes. Mais je comprends, monsieur Claustre. Vous avez de la chance, parce que moi, pas du tout. Ce coup de fil, il y a deux jours... Vous qui, aujourd'hui, me demandez d'acheter des armes. Il ne s'agit pas de les acheter vous-même, mais bien de trouver un fournisseur, et sur ce point, vous semblez très avancé. Je ne comprends pas pourquoi vous faites appel à moi. Ce serait si facile, au service du contre-espionnage, de mener ce type d'opération à bien. Bien, je vais être clair, monsieur Claustre. D'une part, Habré et Wedeï vous font confiance. De l'autre, vous n'imaginez pas le nombre d'espions à la solde des potentats africains dans les ministères. Et disons que le gouvernement français ne souhaite pas que Tombalbaye apprenne qu'il facilite l'acquisition d'armes aux rebelles. Et quel est votre plan? Vous rejoignez le Tibesti le plus tôt possible et vous informez Habré que j'ai de bonnes propositions. On va lui verser la rançon sur un compte en Suisse. Moi, j'arriverai après vous avec les chéquiers et les papiers de la banque à lui faire signer. Vous, vous lui aurez fourni l'adresse de votre marchand de canons. Voici la liste des armes que veut Habré. Voyez avec votre contact ce qu'il peut fournir et surtout le coût que cela représente. Monsieur Claustre, je savais pas que vous étiez revenu. Ah Marc, comment allez-vous? Pas trop mal. Vous avez des nouvelles de votre femme? Ça fait bien deux mois que je l'ai pas vue. Oui, on a passé un peu de temps ensemble à Yedimbi. Comment va-t-elle? Elle a de véritables moments de désespoir. Juste avant que je parte, elle m'a dit qu'elle ne croyait plus à une libération. J'ai préféré ne rien lui dire pour Galopin. Pour Galopin quoi? Quoi, ils l'ont libéré? Vous n'êtes pas au courant ? Au courant de quoi ? Ils l'ont... Non. Ah non, c'est pas vrai. Marc, vous êtes pâle. Tenez, buvez. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Abré a envoyé un ultimatum à la France. Si les demandes n'étaient pas satisfaites le 4, ils exécutaient Galopin. Le 4 ? Mais c'est moi. Je l'ai conduit à son poteau d'exécution. Je suis allé le chercher. Si j'avais su, merde, on aurait pu fuir. Vous ne pouviez pas le savoir, Marc. Ces putains de bougnoules l'ont buté. Et qui sera le prochain sur la liste ? Vous pouvez me le dire ? Il y a une chose que je comprends pas. Abré savait que vous deviez arriver. Il pouvait pas attendre ? Il voulait un signe officiel de la France qu'il n'a pas eu. C'est ce qu'il dit. Enfin, à mon avis, c'était joué pour Galopin depuis le début. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Claustre ? Abré, vous pensez qu'il serait capable de... Je n'en sais rien. Lui, je ne pense pas, mais certains de ses lieutenants rêvent de nous faire la peau. C'est un drôle de bonhomme, Abré. Il peut se comporter presque comme un camarade lorsqu'on est tous les deux, et il agit comme un petit chef dès que les autres sont là. Il n'est pas légitime. C'est un intello pour ces gars du désert. Il doit justifier sa place en permanence. Je crois que l'intello vous fait signe. Vous allez avoir droit aux délibérations du jury. J'y vais, Marc. À tout de suite. Monsieur Claustre, voulez-vous du thé ? Merci. Monsieur Claustre. Monsieur Puissant n'ayant pas jugé utile de tenir ses derniers engagements, nous considérons que vous êtes solidaire des promesses faites par votre gouvernement. Nous vous accordons un délai de 21 jours. Si dans 21 jours, vous n'avez pas fait le nécessaire pour trouver les armes, Combes sera exécuté. Exécuté, mais enfin, je n'ai pas les moyens. Comment voulez-vous que je me procure des armes ? Ce n'est pas notre problème. Un armement tel que celui que vous exigez vaut une fortune. Vous n'avez qu'à emprunter à la banque ? Bien sûr. Je vais entrer au Crédit Lyonnais. Bonjour, vous pouvez me prêter 4 millions de francs pour acheter des mitraillettes aux rebelles tout bout. Calmez-vous, monsieur Claustre. Nous pouvons mettre 1 million de francs à votre disposition. 1 million de francs ? 1 million, mais... Ça vous pose un problème ? Comment voulez-vous que je rentre en France avec 1 million de francs, petite coupure ? Vous êtes bienvenu avec votre petit avion. Pour repartir, il faut que je passe par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc. C'est-à-dire qu'il faut que j'obtienne des autorisations de survol et d'atterrissage pour faire le plein. Avec, à chaque fois, le risque d'un contrôle des douanes. Et comme je suis venu ici avec de faux plans de vol, ils m'attendent tous au retour. Et là, adieu le magot. Alors, adieu, Combes. Attendez. Commandant, j'ai peut-être une meilleure solution. Avec mon avion, je repars pour Niamey. De là, je prends un vol pour Paris. Je reviens avec un bimoteur chercher l'argent, un DC-3 ou 4. Pas besoin d'atterrir dans tous les pays. C'est d'accord, mais vous n'avez pas 1 jour de plus. Thank you. jai elena al sarajai avzonanin na sarajai elena avzonanin na ju yaktulna al sarajai elena al sarajai al sarajai Impossible de résumer en quelques lignes les aventures qui permettent à Pierre Claustre de trouver un bimoteur et un pilote, de retourner au Tchad, chercher une mallette pleine de billets, de revenir en France, acquérir des armes pour finalement livrer son étrange colis aux rebelles. Pendant ce temps, au Tchad, la situation évolue très vite. Au Tibesti, Marc Combes s'évade. À N'Djamena, le président Tombal Baye est assassiné et remplacé par Félix Maloum, un général qui n'est pas opposé à un arrangement rapide. Seule condition, que la France ne fournisse aucune arme aux Frelinghs. Alors que les nouvelles négociations se présentent bien, le général avance du transport d'armes, retour à la case départ. Mais il y a pire. Pierre Claustre s'est fait rouler et l'armement qui parvient aux rebelles est loin de correspondre à leurs attentes. Le tribunal révolutionnaire le juge coupable d'escroquerie et d'abus de confiance. À ce titre, il est fait prisonnier séparément de sa femme. Dans ces entrefaites, le journaliste Raymond Depardon réalise une interview filmée de Françoise Claustre qui va émouvoir l'opinion publique. En septembre 1975, la France décide de payer la rançon et remet 4 millions de francs aux rebelles, ainsi que des vivres, des couvertures, du tissu kaki et 1500 paires de patogas d'une pointure supérieure à 47, rebut de l'armée française. Mais Abré, qui veut des armes, refuse toujours de libérer ses otages. 10 mois plus tard, en juillet 1976, alors qu'ils ne se sont pas revus depuis un an, les époux Claustre sont enfin réunis. Tu es sûr que c'est le moment? Ça fait un mois qu'on le remet. Les nuits d'octobre sont suffisamment longues maintenant. Crois-moi, tu n'auras pas deux fois l'occasion de refiler des somnifères à nos gardes en leur faisant croire que ça va soigner leur mal de crâne. Allez, vérifie une dernière fois que tout le monde dort et on y va. C'est bon. Ok. Aide-moi à charger le sac d'eau. Comme ça. Ouais, ça va. Ce n'est pas trop lourd. Ça ira. Et n'oublie pas de prendre tes chaussures. On part pieds nus. Oui, je sais. À partir de maintenant, plus un bruit. On y va. C'est bon. On a passé les dernières cases. Merde, vite! Dépêche-toi, il va réveiller tout le monde, ce con! C'est bon. On a atteint le fond de la gorge. Tu te sens comment? Je sais pas, je me dis... Ma chérie, ne te dis rien, remets tes chaussures. On va prendre le sentier qui grimpe le long de la paroi. Les troupeaux de chèvres qui passeront à l'aube auront vite fait d'effacer nos traces. Allez, courage! Et merde! Ça va? Oui, ça va, ça va. J'ai glissé, mais ça va. Sauf qu'une partie de l'eau s'est renversée. Faut qu'on fasse demi-tour, Pierre. On n'y arrivera jamais. On n'avance pas et les combattants n'auront pas de mal à nous retrouver. Et sans eau. Il y a une guelta un peu plus loin. On peut aller y puiser de l'eau et se rafraîchir. Courage, ma chérie. On savait que le premier soir serait le plus dur. Dans l'ouvrage « L'affaire Claustre, autopsie d'une prise d'otage » qu'il publiera aux éditions Cartala en 1990, Pierre Claustre écrit « Puis nous reprenons notre marche. Il nous faut maintenant quitter dès que possible le fond du vallon. Il commence à s'élargir et nous risquons de tomber sur un campement. Mais il est déjà 5 heures du matin, le jour va bientôt se lever. Nous découvrons un éboulis constitué de gros blocs de pierre de plusieurs mètres de haut, parmi lesquels il sera facile de nous dissimuler. Quelqu'un pourrait passer à 5 mètres sans nous voir. T'inquiète. Elles vont passer sans s'occuper de nous. C'est pas vrai, maudite bestiole. Casse-toi. Casse-toi, je te dis. Allez-moi. Allez-moi. Elle nous a repérés. Il faut filer. À quoi bon? Aucun mal à suivre nos traces. Allez, on y va. Courage. Ouman Fihini, aïwa. Shifa. Ouman Fihini. Aïwa. Pierre et Françoise sont reconduits au village. Malgré leurs tentatives de fuite, leurs conditions de détention ne sont pas aggravées. Il faut dire que les rebelles ont d'autres préoccupations. Le groupe s'est scindé et les otages ne sont plus alors que sous la garde de Goukoumi Oudeï, qui souhaite se rapprocher de la Libye. À la fin de 1976, des négociations sont à nouveau engagées par l'intermédiaire de Tripoli. Françoise Claustre et son époux sont libérés le 31 janvier 1977. Françoise Claustre est restée 2 ans et 10 mois captive dans le désert. J'ai eu des conditions excessivement pénibles au début, dans les rochers. Et ensuite, mes conditions ont été améliorées. Ça m'a beaucoup aidé, j'avoue. Mes rapports avec les combattants sont bons. Les combattants ont toujours été très corrects. J'essaie de pas trop penser à ma famille, le visage de mon mari, celui de ma mère, mes beaux-parents, toute ma famille reviennent sans cesse. Mais j'essaie de les chasser parce que ça me fait trop mal. Quand je suis auprès de la population, je vais voir les femmes qui m'accueillent bien. Ça me réconforte. Sinon, quand j'ai une radio qui marche, j'écoute un peu la radio. Et sinon, je pense à tous ceux qui m'abandonnent. Ils sont nombreux. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, Thierry Desjardins, ancien grand reporter au Figaro, il a couvert l'affaire Françoise Claustre. Anaëlle Verzo, de l'équipe d'Affaires Sensibles, l'a interviewé chez lui, à Tiercé, dans la Sarthe. Thierry Desjardins, vous êtes journaliste, vous avez reçu le prix Albert Londres en 1975, juste après avoir couvert l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, l'affaire Claustre. D'ailleurs, c'est grâce, si j'ose dire, à l'affaire Claustre que j'ai eu ce fameux prix Albert Londres. Je ne sais pas si je le méritais, mais enfin, c'est vrai que à l'époque, en 75, quand je suis revenu pour raconter cette histoire, avec une femme en otage, des rebelles dont personne n'avait jamais entendu parler, et qui avaient encore des fusils de l'époque de Mussolini, de l'époque de la Tripolitaine, c'était très folklorique, très Albert Londres, Kessel et compagnie, ce qui m'a beaucoup aidé pour avoir ce prix. Alors c'est une histoire, dont on a beaucoup parlé, mais qui pour moi est restée comme une des plus fabuleuses histoires d'amour que j'ai aperçues. Une histoire d'amour, une histoire d'amour entre monsieur et madame Claustre. Alors il faut savoir que monsieur Claustre était un vieux garçon qui avait fait l'école de la France d'outre-mer, qui était un passionné de l'Afrique, et un peu grincheux, un peu habitué à vivre tout seul dans sa case au bout du monde, et que madame Claustre était en fait une ethnologue, et tout à fait, vous savez, on a raconté que c'était une espionne, que c'était la maîtresse de je sais plus quel chef d'État africain, pas du tout, pas du tout. Et elle aussi, donc, vieille fille, elle passait 6 mois à creuser des trous à côté du lac Tchad, et puis 6 mois à Paris, alors à étudier ce qu'elle avait pu trouver. Belle histoire d'amour, un peu classique. Mais ça se corse, puisque moins d'un an plus tard, sa femme se fait enlever. Françoise Claustre se fait enlever au Tchad. Elle s'appelait Stevens et elle devient Françoise Claustre et elle se fait enlever. Et le vieux garçon, follement amoureux, devient fou furieux. Et pendant 4 ans, il va tout faire pour faire libérer sa femme, tout, c'est-à-dire aller lui-même essayer de la récupérer, partant en 4L, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'étaient les 4L, mais enfin, il est parti de Paris en 4L, il est descendu dans le Midi, il a fait toute l'Italie, il a fait toute la Tunisie, puis la Libye, et là, en Libye, il est parti plein sud pour aller la retrouver au cœur du Tibesti, sur des pistes que personne n'avait prises depuis Leclerc et la deuxième DB. voyez, là, est-ce qu'il y a beaucoup de vos éditeurs, hommes amoureux à ce point-là? Il est devenu un peu trafiquant d'armes, il faut bien le dire, pour obtenir la libération de sa femme. Enfin, il a tout fait, il a fini d'ailleurs par être pris en otage par Hyssen Abré, parce qu'Hyssen Abré en avait assez de le voir faire la navette et ne rien obtenir. Et donc, c'est en effet une superbe histoire d'amour. Voilà, d'abord et avant tout. Alors à ça s'ajoutent naturellement des tas d'histoires politiques plus ou moins compliquées, comme toujours avec l'Afrique. Alors vous, les premiers contacts que vous avez avec Pierre Clostre, donc la personne que vous décrivez là, c'est vous recevez une lettre qu'il envoie au Figaro. Comme c'était un haut fonctionnaire, hein, n'oublions pas, c'était un haut fonctionnaire qui allait être nommé ambassadeur et qui dirigeait la MRA, ce qui était un poste très important, il était plus important que l'ambassadeur de France à N'Djamena. Et on lui avait dit, écoutez, restez calme avec votre femme, nos services s'en occupent, on va la récupérer, etc. On lui avait dit ça pendant plus d'un an et un jour on lui dit, bon écoutez, vous allez être reçu par le président de la République en personne. Donc il se calme et il se présente à l'Élysée le jour fixé. Et on lui dit, écoutez, non, il y a eu un truc très important, le président ne peut pas vous recevoir, c'est remis à plus tard. Bon, il rentre chez lui, il allume la radio, je pense même France Inter, et il entend que le président de la République, qui était Giscard d'Estaing, avait passé sa matinée à faire visiter l'Élysée à des bons élèves des écoles communales du 8e arrondissement. Ce qui le rend hystérique, on le comprend. Et donc il décide de mettre la presse dans le coup, et il envoie une espèce de circulaire racontant son histoire à 25 journaux à Paris et en France. Et, ce qui n'est pas très flatteur pour les directeurs des journaux de l'époque, en tous les cas, je suis sûr que ça a changé depuis, mais il n'y a qu'un directeur d'une rédaction qui le lit, c'est le directeur du Figaro, qui s'appelait Max Clos. Il est le seul à avoir lu cette fameuse circulaire. Il m'appelle en me disant, écoute, c'est une histoire qui pourrait t'amuser, il y a tout ce qu'il faut, la femme otage, les rebelles dont on n'a jamais entendu parler, le désert, les couchers de soleil sur les dunes, etc. Et alors j'appelle le mari et je lui dis, voilà, Figaro est prêt à vous aider à deux conditions. D'abord que vous n'en parliez plus à personne et ensuite, puisque dans votre lettre, vous dites que vous êtes allé voir votre femme, et qu'elle va d'ailleurs devenir folle si on ne fait rien pour elle, eh bien dites-moi comment vous êtes allé la voir, je veux aller la voir moi aussi. Et il me répond, écoutez, c'est très simple, j'ai un petit avion de tourisme, on va y aller et on part la semaine prochaine. Et c'est comme ça, très facilement, que j'ai fait ce reportage. Avant de poursuivre vos aventures, quand vous arrivez au Tchad pour les négociations, il faut peut-être rappeler, Thierry Desjardins, la situation du Tchad à cette époque. D'abord, rappelez que c'est un pays du centre de l'Afrique, qui n'a pas accès à la mer, qui est une ancienne colonie française, qu'on surnomme le cœur mort de l'Afrique. Il y a 200 ethnies différentes au Tchad, ce qui complique, d'autant que juste après son indépendance, le pays est secoué avec des révoltes des tribus du nord, les Toubous notamment, tandis que le sud, globalement, est plus riche. Et donc, il y a un conflit ouvert entre le nord et le sud. Et de 1968 à 1973, la France intervient militairement pour soutenir le pouvoir en place contre les Toubous. Et au moment où Françoise Clostre est capturée, l'armée française est un peu moins présente, mais elle est toujours là, c'est ça ? Alors vous avez dit le cœur mort de l'Afrique, c'est très gentil, en fait c'est le trou du cul du monde, disons-le quand même, comme c'est. En plus le Tchad est sur cette ligne qui coupe l'Afrique en deux, où au nord vous avez des musulmans et au sud vous avez des animistes qui sont plus ou moins devenus chrétiens. Et ça vous avez donc le Tchad, le Niger, le Mali, tous ces pays-là, qui ont été découpés artificiellement, il faut bien dire, par les puissances coloniales, en l'occurrence la France. C'est quand même des régions où, quand un garçon a 12 ans, on lui remet un fusil. C'est complètement classique. De Gaulle avait laissé nommer Tombalbaye, qui était un fou furieux. Qui est le premier président du Tchad. Qui a été le premier président du Tchad, mais qui est devenu fou. On l'avait nommé président parce qu'il savait lire et écrire à peu près. Donc, à cette époque-là, il faut se souvenir de ce que c'était, cette époque de la décolonisation qui a été un peu bâclée. Et donc, ça a immédiatement sombré dans le pire des chaos. Et c'est là où De Gaulle, quand Tombalbaye lui a demandé l'aide de l'armée française pour mater toutes les rébellions qu'il avait dans tout le pays, De Gaulle a accepté à condition qu'on mette cette fameuse mission de la réforme administrative qui, en fait, reprenait l'administration du Tchad entre les mains. Ça a été une opération complètement coloniale. Et c'était Pierre Clostre qui était le patron de cette MRA qui dirigeait le pays. Le drame de l'affaire Clostre, c'est que tout s'est passé le 2 avril 1974. Les rebelles, c'est-à-dire à la fois Hissène Habré et Goukouni Wédaï, qui étaient ensemble, qui s'opposaient, qui faisaient la guerre au régime officiel que la France, à tort, soutenait à bout de bras depuis des années, avec des soldats français qui se battaient pour sauvegarder Tombalbaï. Et on les appelle les révolutionnaires, les Toubous, à l'époque. Alors, ils se disent révolutionnaires, pratiquant à la fois la hiérarchie tribale traditionnelle et pour ceux qui sont allés faire un peu d'études à Paris, se prenant tous pour Mao et se lançant tous dans la longue marche. Enfin, Hissène Habré se croyait être le nouveau Mao de l'Afrique, persuadé qu'il allait non seulement gagner le Tchad, mais toute l'Afrique. Hissène Habré n'avait rien, puisqu'il n'avait même pas une jeep. Ils avaient peut-être 300 hommes avec eux, et il prétendait contrôler un espace qui est comme les deux tiers de la France, dans lequel il y avait 60 000 habitants, c'est-à-dire un immense désert. Et Hissène Habré a eu l'idée, c'est une première dans l'histoire contemporaine, de prendre un otage. Françoise Clostre, Marc Combe et le docteur Christophe Staouen. Ils ont été capturés ensemble. Vous pourriez nous décrire le paysage, comment c'était là-bas? Parce qu'on a du mal à s'imaginer, à se représenter Françoise Clostre. Elle était donc otage, prisonnière, et elle n'avait pas de gardien, puisqu'on lui avait dit, mais vous avez 1000 kilomètres dans n'importe quel sens pour trouver quelqu'un d'autre. Donc en effet, elle était prisonnière du désert, elle n'était pas la peine de la garder. Et quand on est fatigué, moi j'en arrivais à entendre même le bruit des glaçons dans les verres à whisky des passagers de première classe. Vous voyez, tellement on devient fou avec le désert. Mais en même temps, il y a une beauté du désert. C'est parmi mes plus beaux souvenirs que de voir, en effet, à 4h30 du matin, le jour qui commence à se lever avec des couleurs qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a une fascination du désert. Il y a des types qui sont devenus vraiment passionnés du désert, mais pas quand vous êtes otage. Et la pauvre Françoise Claus, il fallait qu'elle ait été vraiment femme costaud, carrée, au nerf d'acier, qui passait 6 mois par an toute seule au bord du lac Tchad pendant des années. Donc c'est vous dire, c'est vraiment une femme costaud. Il fallait être ça pour tenir le coup, et physiquement et moralement d'ailleurs, parce que on lui a plusieurs fois fait le coup de « on vous fusille demain matin ». Et elle s'en est sortie. Et c'est très triste que cette femme, elle a été heureuse pendant 1 an avec son mari, et puis au retour, elle a tout de suite eu à souffrir, elle a eu un cancer du cerveau qui a été épouvantable. Son mari l'a emmenée aux États-Unis pour essayer, on n'a rien pu faire pour la sauver. Elle aurait mérité un peu plus d'années de bonheur. Alors c'est dans cette zone désertique que vous décrivez que Françoise Claustre reste pendant 30 mois au total. Tandis d'ailleurs que les autres personnes détenues en otage, Marc Combe et donc le docteur Christophe Staouen, eux sont libérés et Marc Combe, lui, par contre, s'évade. Mais Françoise Claustre, elle, restera dans ce désert, prise en otage pendant 30 mois. Alors vous avez oublié, non pas un détail, mais un autre otage, qui était le commandant Galopin. Le drame, c'était que la prise d'otage avait eu lieu le jour de la mort de Pompidou, mais il y a eu un autre drame, c'est que l'affaire a été confiée à un des ministres les plus médiocres, sans doute, de la Ve République, qui était ministre de la Coopération et qui s'appelait Pierre Ablin. Vraiment la caricature du politicard de chef-lieu de canton. Et donc, il avait décidé d'envoyer un négociateur, et il n'a rien trouvé de mieux comme négociateur que de prendre un officier français qui avait été au Tchad, où il avait été sous-chef de la police politique de Tombalbaï, chargé dans le Nord. C'est-à-dire, on envoyait comme négociateur auprès d'Issenabré le type qui avait fait assassiner toute la famille d'Issenabré. Ce qui fait que quand, naturellement, le commandant Galopin a débarqué pour négocier, Issenabré a sursauté et lui a demandé d'ouvrir sa valise. Et dans sa valise, il y avait 30 montres en or. Il lui a donc demandé si par hasard il ne venait pas pour essayer d'acheter des rebelles. Alors, ils ont fait un procès du commandant Galopin. Ils m'ont fait écouter les bandes enregistrées de ce procès. Alors, c'est toujours difficile de porter un jugement, on ne sait pas ce qu'on aurait fait dans ces conditions, mais il n'a pas fait preuve d'un héroïsme flagrant, puisqu'il a dit « laissez-moi en vie, je vous balancerai absolument tous les secrets ». Et donc ils ne l'ont pas laissé en vie, ils l'ont exécuté, ils l'ont fusillé, alors que nous venions d'arriver. Et pour nous prouver que c'était vrai, on m'avait attribué un garde du corps personnel, qui était pour ma protection, mais qui était aussi un peu pour me surveiller, et il n'avait rien trouvé de mieux que de l'affubler du képi du commandant Galopin. Ce qui fait que pendant des semaines, je me suis baladé avec mon garde du corps qui avait un képi d'un commandant des troupes françaises. Et Françoise Claustre, alors, dans tout ça, vous êtes à ses côtés, mais vous n'avez pas l'autorisation pour la voir réellement physiquement. Alors moi, je n'ai pu voir et passer plusieurs jours, beaucoup de jours avec Marc Combe. Pourquoi est-ce que Issenabré n'a pas voulu que je voie Madame Claustre? Sans doute parce que certains de membres de son entourage étaient persuadés que j'étais un espion français. Et alors ils ont décidé de me faire passer un examen. Je l'ai passé, donc ils sont arrivés, je somnolais. Alors j'ai essayé de plaisanter en disant « Oh, j'ai passé des examens, j'ai jamais été très brillant d'ailleurs. » Mais quand vous voyez que les autres types sont en train d'armer leurs fusils, vous trouvez ça moins drôle. Mm-hmm. Alors première question, qui est Jean Daniel? Je dis « Oh, c'est facile, je raconte les vies de Jean Daniel. » Deuxième question, qui est André Fontaine? « Oh, c'est facile, etc., directeur du Monde. » Puis la cinquième question, c'est, et là je m'en souviens très bien, qui est Monsieur Fologou? Ça me disait absolument rien, et on s'est dit toujours, est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il bluffe pas? Alors je dis, oh, écoutez, ce nom me dit vaguement quelque chose, mais je vois plus très bien, enfin je fais n'importe quoi, mais j'en menais pas large entre nous. Maintenant, je vous le raconte en rigolant, mais sur le moment, j'en menais pas large. Et alors, celui qui avait mis mes qualités de journaliste en doute dit « C'est quand même étonnant qu'un journaliste, soi-disant journaliste français, ignore le nom du rédacteur en chef de Fraternité Matin, le grand journal d'Abidjan. » Et c'est vrai, je l'ignorais. Et donc, ils disent « Bon, ben le tribunal va se réunir et statuer. » Et alors, ils disparaissent derrière un tas de cailloux. Et là, alors j'emmène de moins en moins large, parce que les types qui me souriaient, là, maintenant, me sourient plus du tout. et j'ai l'impression qu'il se lèche les babines à l'idée de me dévorer. Et puis, Sénabré revient avec le tribunal et disent, bon, 4 questions sur 5, ça va, on vous considère comme un ami. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur d'être à votre tour pris en otage ? Peur, non, parce que j'ai toujours été persuadé que tous ces rebelles n'avaient qu'une arme, c'était la presse. Mais on n'est jamais à la merci d'un dingue, surtout quand ils sont une soixantaine. Un moment, alors j'espère que Pierre Clauze ne nous écoute pas, mais un moment, je me suis demandé s'il n'avait pas dit à Sénabré, je vous échange ma femme contre un journaliste du Figaro. Et vous êtes resté 3 ou 4 mois sur place ? Oui, 3 mois et demi sur place, ce qui fait long. Il y a certaines, je vous disais que c'est très très beau les couchers de soleil, mais enfin ça fait quand même des longues soirées d'hiver. Et c'était cette affaire, l'affaire Clauze, la première grande prise d'otage. Je crois que ça a été la première, que Sénabré a été le premier type à imaginer qu'en prenant 2 otages, alors qu'il n'avait, je le répète, il n'avait même pas une jeep, même pas une voiture, il se baladait à pied dans son désert. Il a pris 2 otages, plus les Allemands, et il a fini par devenir chef de l'État. Pendant qu'on était là-bas, il y a eu un premier coup d'État qui a renversé Tombalbaï, un militaire qui s'appelait Gérald Maloum, qui a pris le pouvoir. Puis Maloum n'a pas tenu très longtemps, et Sénabré a fini par devenir président. Et aujourd'hui, c'est Idriss Déby qui est chef d'État. Qui était en effet un des hommes d'Issénabré, et qui maintenant veut faire exécuter Issénabré. Naturellement, c'est classique ça, mais qui tient depuis longtemps d'ailleurs, lui. Et je suis pas sûr non plus qu'il respecte vraiment tous les droits de l'homme. Merci beaucoup Thierry Desjardins. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles de Patrick Liégibel et Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Clauze de Jean-Philippe Noël, avec dans le rôle de Issénabré, Doro Dimenta, Pierre Clauze, Benoît Marchand, Françoise Clauze, Aurélia Petit, Marc Combes, Igor Menzitsky, la journaliste Ismaane Yakini, Robert Puissant, Hervé Furic. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Elodie Royer. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Laurence Courtois.